Qu'est-ce que le tarot divinatoire? 1. Introduction au tarot divinatoire. La pratique du tarot divinatoire, également connue simplement sous le nom de lecture de tarot, intrigue et fascine les gens depuis des siècles. Avec ses racines profondément ancrées dans le mysticisme et le symbolisme ancien, le jeu de tarot constitue un outil puissant pour acquérir une vision, des conseils et une découverte de soi. Dans cet article, nous explorerons le monde du tarot divinatoire, en approfondissant son histoire, en comprenant la signification des cartes et en découvrant le rôle de l'intuition dans les lectures de tarot. De plus, nous examinerons diverses cartes de tarot, aborderons les idées fausses entourant le tarot, discuterons de l'éthique et de la responsabilité dans la pratique et explorerons les avantages pratiques que les lectures de tarot peuvent offrir. Que vous soyez débutant curieux ou pratiquant aguerri, rejoignez-nous dans ce voyage pour percer les secrets du tarot divinatoire. Qu'est-ce que le tarot divinatoire? Le tarot divinatoire, souvent simplement appelé tarot, est un outil utilisé pour mieux comprendre, guider et comprendre divers aspects de la vie. On pense qu'il est né comme jeu de cartes au XVe siècle et qu'il a progressivement évolué vers un moyen de divination. Bref aperçu de la lecture du tarot. La lecture du tarot implique l'interprétation d'un jeu de cartes pour découvrir des vérités cachées et fournir des conseils spirituels. Une lecture typique consiste pour le demandeur, la personne qui cherche des réponses, à mélanger le jeu et à sélectionner un nombre spécifique de cartes, qui sont ensuite disposées selon un motif ou une planche. Le lecteur interprète ensuite le symbolisme des cartes et leurs relations les unes avec les autres pour révéler des idées et des résultats potentiels. 2. Histoire et origine du tarot. Origine ancienne du tarot. Les origines exactes du tarot sont entourées de mystères, ce qui en fait un sujet de fascination pour les historiens et les amateurs d'occultisme. Bien que certaines théories relient le tarot à l'Égypte ancienne ou à la Kabbale juive, il n'existe aucune preuve concrète pour étayer ces affirmations. Cependant, il est largement admis que le tarot est apparu en Europe à l'époque de la Renaissance. L'évolution du tarot à travers les siècles. Initialement, les cartes de tarot étaient principalement utilisées pour jouer à des jeux et ont gagné en popularité dans divers pays européens. À la fin du XVIIIe siècle, ils ont attiré l'attention des occultistes qui ont commencé à explorer leur potentiel en tant qu'outil de divination. À partir de là, le tarot a progressivement évolué vers le système symbolique que nous connaissons aujourd'hui, le jeu de tarot Rider-Waite, créé en 1910, devenant le plus largement reconnu et le plus influent. 3. Comprendre les cartes du tarot et leur signification. Structure d'un jeu de tarot. Un jeu de tarot standard se compose de 78 cartes, divisées en deux catégories principales, les arcanes majeures et les arcanes mineures. Les arcanes majeures se composent de 22 cartes, chacune représentant un thème ou un archétype important de la vie. Les arcanes mineures sont divisées en quatre combinaisons, baguette, coupe, épée et pentacle, correspondant respectivement aux éléments feu, eau, air et terre. Arcane majeur, symbolisme et interprétation. Les cartes des arcanes majeures contiennent un symbolisme profond et représentent de puissantes figures archétypales, telles que le fou, le magicien et le monde. Chaque carte porte sa propre énergie et son propre message, offrant un aperçu de l'expérience humaine et de la croissance spirituelle. Leur interprétation suggère souvent l'influence de forces extérieures ou d'événements majeurs de la vie. Arcane mineur, combinaison, éléments et interprétation. Les arcanes mineures comprennent 56 cartes, réparties en quatre couleurs, chacune associée à un élément. Les baguettes représentent la passion et la créativité, les coupes symbolisent les émotions et les relations, les épées incarnent les pensées et les défis, tandis que les pentacles signifient les aspects matériels et le domaine physique. Les cartes de ces combinaisons représentent en outre divers scénarios, sentiments et actions, fournissant des conseils sur les questions quotidiennes. 4. Le rôle de l'intuition dans la lecture du tarot. Développer et faire confiance à votre intuition. L'intuition joue un rôle essentiel dans la lecture du tarot, car elle permet au lecteur de puiser dans sa sagesse intérieure et de se connecter avec les cartes à un niveau plus profond. Développer l'intuition implique d'apaiser l'esprit, d'écouter sa voix intérieure et de perfectionner la capacité à percevoir les énergies subtiles. Faire confiance à ses conseils intuitifs est crucial pour des interprétations précises et des lectures significatives. Intuition versus interprétation traditionnelle. Alors que les interprétations traditionnelles des cartes du tarot fournissent une base solide pour comprendre leur signification, l'intuition ajoute une touche personnelle et permet une interprétation plus nuancée basée sur les idées uniques du lecteur. L'intuition peut fournir des niveaux de signification supplémentaires ou mettre en évidence des aspects spécifiques d'une situation qui pourraient ne pas être explicitement mentionnés dans les interprétations traditionnelles. Équilibrer l'intuition avec le symbolisme établi conduit à une expérience de lecture complète et perspicace. 5. Différents tirages de tarot et leurs utilisations. Les planches de tarot sont des arrangements spécifiques de cartes de tarot qui permettent une compréhension et une interprétation plus approfondie. En voici quelques-uns populaires et à quoi ils peuvent être utilisés. Spread de base à 3 cartes. Le jeu de base à 3 cartes est un excellent point de départ pour les débutants. Chaque carte représente le passé, le présent et le futur, offrant un aperçu simple mais perspicace d'une situation. Propagation de la croix celtique. La planche de la croix celtique est l'une des planches de tarot les plus utilisées. Il fournit un aperçu complet d'une situation ou d'une question particulière, plongeant dans les influences passées, les circonstances présentes et les résultats potentiels. Propagation des relations. Comme son nom l'indique, le relationnel spread est idéal pour gagner en clarté sur les questions de cœur. Il explore la dynamique entre deux individus, mettant en lumière les forces, les défis et les domaines potentiels de croissance. Diffusion de l'orientation professionnelle. Pour ceux qui recherchent des conseils dans leur vie professionnelle, le catalogue d'orientation professionnelle peut offrir des informations précieuses. Cette diffusion peut aider à découvrir des talents cachés, à identifier les obstacles et à fournir des conseils sur les cheminements de carrière potentiels. 6. Idées fausses courantes sur le tarot divinatoire. Le tarot divinatoire se heurte souvent à des idées fausses qui peuvent obscurcir son véritable objectif et sa valeur. Démystifions quelques mythes entourant les lectures de tarot. Tarot comme révélateur versus tarot comme guide. Contrairement à la croyance populaire, les lectures de tarot ne visent pas à prédire l'avenir avec une certitude absolue. Au lieu de cela, ils offrent des conseils et des idées qui peuvent aider les individus à prendre des décisions éclairées et à faire face aux incertitudes de la vie. Dissiper les mythes sur les lectures du tarot. Les lectures de tarot ne sont liées à aucune croyance religieuse spécifique ou pratique obscure. Ce sont des outils d'autoréflexion, de croissance personnelle et de connexion avec son intuition. Le tarot divinatoire est accessible à tous, quelle que soit son origine spirituelle ou religieuse. 7. Éthique et responsabilité dans la lecture du tarot. Lorsque l'on s'engage dans des lectures de tarot, il est crucial de donner la priorité à l'éthique et à la responsabilité. Voici quelques aspects essentiels à considérer. Importance des pratiques éthiques dans la lecture du tarot. Les lecteurs de tarot doivent se comporter de manière éthique en fournissant des interprétations honnêtes, objectives et sans jugement. Ils doivent également éviter de faire des prédictions absolues ou d'inspirer des craintes inutiles aux clients. Confidentialité et limite du client. Le respect de la confidentialité et des limites du client est primordial dans les lectures de tarot. Les informations personnelles partagées lors d'une lecture doivent être traitées avec la plus grande sensibilité et gardées confidentielles. 8. Avantages et applications pratiques des lectures de tarot. Les lectures de tarot offrent de nombreux avantages au-delà du simple divertissement. Voici quelques applications pratiques qui méritent d'être explorées. Réflexion personnelle et croissance personnelle. Le tarot peut être un outil puissant d'autoréflexion et de croissance personnelle. Il incite les individus à approfondir leurs pensées, leurs émotions et leurs expériences, favorisant ainsi la conscience et la découverte de soi. Prise de décision et résolution de problèmes. Face à des décisions ou à des défis difficiles, les lectures de tarot peuvent offrir de nouvelles perspectives et idées. En révélant différents aspects d'une situation, le tarot peut vous aider à faire des choix éclairés et à trouver des solutions créatives. Aperçu des relations et du bien-être émotionnel. Les lectures de tarot peuvent fournir des informations précieuses sur les relations, aider les individus à naviguer dans les complexités et à acquérir une meilleure compréhension et empathie pour eux-mêmes et pour les autres. De plus, le tarot peut offrir des conseils sur le bien-être émotionnel, encourageant les soins personnels et l'équilibre. N'oubliez pas que même si le tarot divinatoire peut être une expérience amusante et éclairante, il est important de l'aborder avec un esprit ouvert et un sentiment de curiosité. Profitez du voyage de découverte de soi. En conclusion, le tarot divinatoire est une pratique fascinante qui offre des perspectives et des conseils profonds. En comprenant l'histoire et les origines du tarot, en nous familiarisant avec la signification des cartes et en faisant appel à notre intuition, nous pouvons libérer le pouvoir transformateur de cet ancien outil de divination. En explorant différentes cartes de tarot et en dissipant les idées fausses courantes, nous pouvons aborder les lectures de tarot avec clarté et responsabilité éthique. En fin de compte, les avantages des lectures de tarot s'étendent au-delà de la divination, offrant des opportunités d'introspection, de prise de décision et d'acquisition d'une compréhension plus approfondie des relations et du bien-être émotionnel. Adoptez le tarot divinatoire comme une ressource puissante pour la croissance personnelle et l'autonomisation. FAQ. 1. Tout le monde peut-il apprendre à lire les cartes de tarot? Oui, tout le monde peut apprendre à lire les cartes de tarot. Même si cela peut sembler intimidant au début, avec du dévouement et de la pratique, n'importe qui peut développer les compétences et l'intuition nécessaires à la lecture du tarot. Il existe de nombreuses ressources disponibles, notamment des livres, des cours en ligne et des ateliers, qui peuvent aider les débutants à se lancer dans leur voyage de tarot. 2. La lecture du tarot est-elle une forme de divination? La lecture du tarot est souvent comprise à tort comme une simple divination, mais elle est bien plus que cela. Les cartes de tarot servent d'outils d'auto-réflexion et d'orientation, donnant un aperçu de divers aspects de la vie. Plutôt que de prédire un avenir prédéterminé, les lectures de tarot peuvent aider les individus à mieux comprendre leur situation actuelle, à prendre des décisions éclairées et à relever les défis de la vie. 3. Quelle est la précision des lectures de tarot? L'exactitude des lectures de tarot varie d'une personne à l'autre et est influencée par des facteurs tels que les compétences du lecteur, l'intuition et l'ouverture du demandeur à recevoir des conseils. Les lectures de tarot sont subjectives et reposent sur le symbolisme et l'interprétation. La véritable valeur d'une lecture de tarot réside dans les idées, les perspectives et les possibilités qu'elle offre, plutôt que dans les prédictions strictes d'événements spécifiques. 4. Y a-t-il des considérations éthiques lorsqu'on donne ou reçoit une lecture de tarot? L'éthique joue un rôle essentiel dans la lecture du tarot. En tant que lecteur, il est essentiel de maintenir la confidentialité, de respecter les limites et de fournir des conseils impartiaux. Pour les demandeurs, Il est important d'aborder les lectures de tarot avec un esprit ouvert, en comprenant qu'elles offrent des conseils et des possibilités plutôt que des vérités absolues. De plus, il est conseillé de rechercher des lectures auprès de lecteurs réputés et expérimentés qui adhèrent à des pratiques éthiques. Page 42. Nous allons voir les étapes de base pour utiliser le tarot divinatoire. Page 42.